Alors, en principe, le lundi après-midi était férié. Même il y en avait qui ne travaillaient pas du tout dans la journée. C'était une espèce d'habitude des luthiers d'aller. Parce que à la Révolution, on a distribué des terres aux ouvriers. Et la distribution a fait qu'ils ont pris l'habitude d'avoir chacun un petit morceau de terrain qu'ils cultivaient. Et ils le cultivaient en principe le dimanche et le lundi. Et ils prenaient toujours le lundi. C'était toujours l'occasion d'ailleurs une espèce de fête pour les luthiers. Ils se recevaient, ils buvaient un petit peu plus que d'habitude. Et souvent ça se terminait par des souleries, quoi. Enfin, c'était pour oublier leurs travaux assez durs, assez pénibles. Mais c'était des métiers où, dans l'ensemble, ils n'étaient pas payés comme des métiers d'art. On ne connaissait pas du tout le syndicalisme à ce moment-là, à Mirecourt. Alors c'était des gens qui étaient un petit peu anarchisants, qui criaient beaucoup, qui faisaient un peu les rigolos, mais qui n'étaient pas capables de se défendre du point de vue syndicalisme. Et ils étaient payés toutes les semaines, à la fin de la semaine. Oui. Et celui qui travaillait chez lui, en général, il était payé dès qu'il rentrait son travail. Il était payé à la pièce et on le payait immédiatement.